les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Blake est Mortimer, donc Ulrich. Et qui dit Ulrich dit banditisme, espionnage, crimes de différentes natures, évidemment. Et qui dit Blake, Mortimer et Ulrich dit aventure, poursuite, réflexion à haute voix, avec bel accent britannique, jurons de bon ton, by Jove, perfidie, les complices d'Ulrich ne sont pas des gentlemen, eux, et menace sur l'Occident, sur les démocraties occidentales de la fin des années 50, pour ce qui concerne la publication hebdomadaire dans le journal de Tintin, au début des années 60 pour les jeunes auditeurs de France 2 régionale, un jour sur deux ou à peu près. SOS Météore, le sous-titre pourrait être « À la recherche du temps non détraqué ». En voici les épisodes 17, 18, 19 et 20, diffusés pour la première fois les 19, 21, 24 et 26 avril 1962. Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météore, 17e épisode. Depuis quelques saisons, le temps se détraque sur une bonne partie du globe. Partout, tempêtes, inondations, rangs de marée, typhons, cyclones, pluies diluviennes, grêles, neige. Et tout ça accable l'humanité sans se soucier du calendrier. À la longue, les populations s'inquiètent et leur inquiétude devient un souci pour les gouvernements. Aussi, les services de sécurité de la plupart des pays ont-ils donné pour mission à leurs meilleurs spécialistes de rechercher les causes de ces perturbations atmosphériques. C'est pour cette raison que le professeur Philip Mortimer a été envoyé en France où il a rencontré son vieil ami, le professeur Labrousse de la Météo Nationale. Le capitaine Blake de l'Intelligence Service, lui aussi, y est en mission. Et peu à peu, des indices apparaissent, des hypothèses se voient confirmées. Entre autres, celle assez effrayante émise par le professeur Mortimer. Celui-ci, après avoir un soir confié ses craintes à Labrousse, est parti enquêter dans les environs de Jouy-en-Josas. Hélas, de cette promenade, il ne revient pas. Et le directeur de la météo donne l'alarme. Bientôt, avec l'aide du capitaine Blake, le météorologue acquiert la certitude que des réseaux groupant des savants mégalomanes, des fanatiques et des bandits préparent une terrible action contre l'humanité. Oui, cette mafia à ramifications internationales semble avoir un but. Perturber les saisons dans certaines parties du monde et provoquer ainsi, grâce à des catastrophes apparemment naturelles, l'effondrement des gouvernements. Ce qui est plus grave, c'est que l'état-major de cette bande semble posséder les moyens techniques de détraquer le temps. Mais revenons à Blake. Quand nous l'avons quitté, il venait de démasquer, sous le déguisement de M. Henry Import-Export, le terrible Ulrich, son ennemi de toujours et celui de Mortimer. Mais alors qu'il le tient en respect, deux gros rires éclatent derrière notre ami. Alors, Blake, toujours content de m'avoir retrouvé? Alors, mon mignon, pas de faux mouvements. Moi et Freddy, on a le détente facile et le tir précis. Ouais. Passe-moi ce pistolet mitrailleur et poliment, hein? La crosse tournée vers moi. Allons, j'attends. C'est bon, vous avez gagné. Ça, je crois, oui. Eh bien non. Tenez, Charquet, attrapez cette arme. Attention. À toute volée, Charquet a reçu le pistolet mitrailleur en plein front. À demi assommé, il est allé s'effondrer sur un guéridon. Freddy s'est approché, mais craignant de blesser ses comparses, il n'a pas tiré. Foudrage, Ulrich s'est précipité vers la cheminée et s'est emparé d'un tisonnier. Un tisonnier qu'il brandit sur Blake. En un éclair, notre ami lui a passé une prise de bras et, par-dessus son épaule, a fait décrire au colonel un magnifique arc de cercle. En retombant, et bien involontairement, le bandit a donné un coup de talon dans l'estomac de Freddy qui, sous l'effet de la douleur, lâche son revolver. Rapidement, Blake se baisse et ramasse l'arme. À ce moment, la pièce se trouve plongée dans l'obscurité. Par ici, vite ! Voilà, patron ! On les mains, tous ! Vous avez intérêt à vous faire tout petit, Blake ? Nous sommes trois contre vous. Si nous avions le temps, votre compte serait rapidement réglé, mais ça, ce sera pour plus tard. On les mains ou je tire? C'est ça, dans le noir. Ne vous c'est pas... Ne vous c'est pas... Bon sang, ils m'ont enfermé. Les bandits. Écoute-toi, toi, Sharker. Oui, ça va, oui. Si tu avais bloqué le pistolet mitrailleur avec ton front, tu serais peut-être pas aussi frais. Dis donc, et moi alors? Moi, j'ai pris les pieds du patron dans l'estomac quand Black m'a fait une clé au bras. Assez tous les deux, c'est pas le moment. Hey, tiens, Freddy, je prends encore quelques grenades. Dis donc, avec tout ça, on va pouvoir causer, hein. Vous y êtes, oui? On y est, patron, on y est. Alors, vite dehors, et vous, capitaine Black, que le diable vous emporte. Trop tard, patron! Plein les flics! Déjà? Bah oui, et comment? Et puis y a du monde, hein? Par ici, suivez-moi, je connais le chemin. Allez. On va filer par les toits. Et à mon avis, y a pas d'autre solution. Quoi? Allez, go! Plus vite! On va arriver trop tard! Et mettez-vous tous! Ils nous feront pas de cadeaux! Bah alors, nous non plus, patron! Attention, c'est ici! Le vestibule est ouvert, prenez garde! Quelqu'un est enfermé dans le salon! Qui est là? Brodie! Pete! Pas de mal? Non, mais il s'en est fallu de peu. En guise d'adieu, mon ami Ulrich m'a envoyé une rafale à travers la porte. Mais vous ne les avez pas vus, ils sont trois. Non, nous avons seulement entendu tirer. Alors, c'est qu'ils ont filé par le haut. Ils vont se sauver sur les toits par le vasistas du dernier étage. Venez. Allez. Je vous expliquerai ce qui s'est passé depuis notre entrevue. D'accord. Mais d'abord, il faut mettre la main sur ces lascars. Allez, courage! On arrive! Là, à gauche, une mansarde ouverte. Suivez-moi. Allons. Qu'est-ce que je vous disais? Cette tabatière, c'est par là qu'ils se sont enfuis. Tenez, amenez cette caisse. Là. Voilà. Ça y est, j'aperçois leur silhouette derrière les cheminées. Mais ils sont déjà loin, il faut se dépêcher. Aidez-moi à sortir, Pladier, vite. Oui, allez. D'accord, mec. Et vous, les gars, derrière moi. Allez. Ce temps-là, ça va être facile. On n'a pas le choix. Dès que tous mes hommes seront là, on commence l'attaque. Allons, pressons, vous autres! Voilà, patron! Tenez, vous les voyez là-bas? Oui, j'ai l'impression qu'ils nous guettent. Et il va falloir avancer à découvert, je n'aime pas ça du tout. Prêts, les gars? Prêts, patron! Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Maurice Nasil, Ulrich, Maurice Ténac, Blake, Fernand Rosena, Charquet, Serge Sauvion, Freddy, Robert Chandot, Pradier, Henri Poirier, Vidal. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langet. Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 18e épisode. Ulrich, vous vous en souvenez, est l'ennemi implacable de Mortimer et de Blake. Et dans cette affaire SOS Météor, il semble bien faire partie de l'état-major de la bande internationale qui veut instaurer un peu partout un régime autoritaire. Il s'agit donc d'une affaire très grave. Les membres de cette nouvelle mafia sont prêts à tout pour atteindre leur but. Déjà, le professeur Mortimer a disparu au cours de l'enquête qu'il menait seul dans la vallée de Chevreuse. Depuis, Blake et Labrousse ont fait progresser cette enquête et le capitaine de l'intelligence service réussit même à s'introduire chez ce mystérieux monsieur Henry, qui n'est autre qu'Ulrich déguisé. Cette fois, sous la menace d'un pistolet mitrailleur, il croit bien en avoir fini avec son ennemi. Mais deux lieutenants d'Ulrich font irruption dans la pièce et les atouts changent de main. Pourtant, au moment où Blake va être victime de son audace, le commissaire Prady et ses hommes de la DST pénètrent dans l'immeuble du 69 bis de la rue de Vaugirard. Devant cette nouvelle menace, Ulrich et deux de ses lieutenants parviennent à se sauver par les toits après avoir emporté un véritable arsenal. Quelques minutes plus tard, derrière eux, apparaissent Blake, Pradier et ses hommes. Il fait nuit, la ville est battue par une tempête de vent, de neige et de pluie. À l'abri d'une rangée de cheminées, Ulrich donne ses dernières instructions. Il va falloir jouer serré, les gars. Hein. Avant 10 minutes, nous aurons toute la flicaille de Paris sur les bras. Oui, ça, y a pas de doute là-dessus. Moi, la bagarre, j'aime ça. Oui, bien, de toute façon, de la bagarre, il va y en avoir. Mais ce qu'il faut surtout, c'est nous tirer de là, et au plus vite. En nous couvrant, si besoin est. Vu ? Vu, patron. Bon, le seul moyen, c'est de filer par les toits jusqu'aux immeubles de la rue Madame. Allez, en route, et ouvrons l'œil. Oui. Oh, regardez là-bas. Oh, bon sang, ils n'ont pas perdu de temps, hein. Et puis dites donc, il y a du renfort. Enfin, on a quand même 50 mètres d'avance. En avant ! Halt ! Rendez-vous ! Vous êtes fait ! Alors, boss ! Planquez-vous derrière ces cheminées à mon commandement, feu ! Ils avancent à découvert, c'est le moment, non ! Non, attendez encore ! Rendez-vous, Ulrich ! Vous n'avez aucune chance ! Feu ! Baissez-vous ! Suivez-moi, on décroche ! Ah, maudit temps ! Avec cette neige fondue, faites attention, il y a 6 étages au-dessous, voyons ! À part ici, une corniche. Charquet, tu restes en arrière-garde et tu nous couvres. Faites-moi confiance ! Parce que c'est étroit ! Mais ne regardez pas derrière à cause du vertige ! Le ventre contre le toit ! Ah, j'aime pas ça, patron ! D'un côté, c'est le vide, et de l'autre, c'est toi qui monte. S'ils avançaient très vite, on serait coincés. Mais t'en fais pas comme ça, ils nous voient plus. On va pouvoir... Oh ! Enferme ! Une herse sépare les deux immeubles, on ne peut pas passer ! Ah, malheur ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On peut plus avancer ! Oh, alors il faut rebrousser chemin avant que les flics nous aient rejoints. Allez, suivez-moi ! Je vais les obliger à se planquer. Ouah ! Là-haut ! Des échelons le long de ce mur ! On va pouvoir passer de l'autre côté ! Sauvé ! Prends ma mitraillette, Freddy ! Et toi, Charquet, appuie-toi là ! Oui ! Je vais monter sur tes épaules pour atteindre le haut de ce petit toit ! Oui ! Allons, vite ! Voilà ! Là, ok ! Passez-moi les armes, maintenant ! Voilà ! J'ai ! Maintenant, ta main, Freddy ! Voilà. Mais non, reste collé au toit, voyons ! Oui. Alors, vas-y ! Là ! Maintenant, on ne sera pas trop de deux pour hisser le gorille. Oh, charrier, pas cher. Allez, Charquet. Allez, hop. Là. Oh. Eh ben, dites-donc, si vous m'aviez lâché, je faisais un bon plongeon. Eh ben, c'est pas pour aujourd'hui, va. Ah, nous y sommes. Well, alors écoutez-moi bien. Je grimpe par ces échelons. Freddy me suit. Oui. Pendant ce temps, toi, Charquet, tu les empêches d'approcher. Oh. Sitôt arrivé en haut... Nous te couvrirons à notre tour. Ok, chef. Alors, bonne chance, hein. Mais ils avancent, les poulets, hein. Fais la volonté. Ah, mes agneaux. Approchez. Ça va être votre fête. Ici, capitaine, venez donc. Rendez-vous. Eh bien, venez me chercher vous-même. Allez, en avant, ils vont nous échapper. C'est ça encore un peu, là. Et maintenant, ma mignonne, portez-les à tous mes voeux. Et maintenant, là-haut, avec les autres, le temps que les flics retrouvent leurs esprits. C'est comme des rats. Ouais, c'est infranchissable. Qu'est-ce que se passe? Rien à faire pour atteindre l'autre immeuble. C'est le vide entre les deux. Et en bas, là, il y a une verrière qui doit couvrir un atelier ou quelque chose comme ça. De toute façon... Mais damn ! Et alors là, on est bien placé comme cible. Juste en haut d'un pan de mur. Ouais, les échelons qui nous ont conduits ici ne doivent jamais servir qu'aux rameneurs. Ah, bon sang. Mais il faut redescendre, les gars. Bah, trop tard, patron. Regardez sur le toit là-bas. La retraite est coupée. Oh, malédiction. Et quoi qu'on fasse, j'ai l'impression que les flics ne vont plus nous faire des cadeaux. Mais tu as raison. Baissez-vous. Ah, oh, mais comment faire, bon, à moins d'avoir des ailes, moi, je vois pas. Ces gars-là ne reculent devant rien. Ils me le paieront cher. Deux de mes hommes ont été blessés par la grenade. Et si vous ne l'aviez pas fait dévier d'un coup de pied, on y passait tous. Ces gaillards-là sont décidément très coriaces. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là-haut? Ah, inutile de prendre des risques supplémentaires, je vais demander des renforts et des projecteurs. Pradier! Quoi donc? Regardez! S'ils restent là-haut, c'est qu'ils sont coincés sur le perchoir. L'autre côté de leur mur donne sur le vide et par ici, nous les attendons, donc... Bon sang, c'est vrai! Nous les tenons! Ils sont cernés! Aïe! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, aïe, God, oh, la grêle! Allez, vite tout le monde à l'abri ou vous allez être assommés! Comme qui peut! Aïe! Oui! Rappelez-vous à cette antenne TV! Oh là, oui. Et protégez-vous le crâne avec l'autre bras! J'ai jamais vu des grêlons comme ça! Aïe! Ouais. Ah, il faut tenir le coup! Aïe! Oula! Oh, on parle en fer! Avoir échappé au flic et se faire mitrailler par la grêle! Patron! L'antenne! Ah! Ah, ah, bon sang, il tombe! Quoi? Charquet! Il est devant! Ah oui, mais suspendu au-dessus du vide! Alors, patron? Ça va? Quel sens! Le bout de l'antenne est allé s'accrocher à la cheminée d'en face! Sans ça, c'était l'écrasement à travers la verrière! En bas! J'ai mieux ça! Ah, c'est un vrai lion, le boss! Regarde-le! Il a passé de l'autre côté! Champion, hein? Nous, on va redescendre par les échelons, les flics ont battu en retraite. Oh, les gars! Oh! Vite! Faites comme moi! Accrochez-vous à l'antenne! Et venez me rejoindre! Hein? Il est fou, lui! Vite, je vous dis! Venez où vous êtes perdus! Venez, mais c'est solide! Oh. Allons, courage! Oh, oui. Alors, nos oiseaux? Hélas! Pendant la tourmente de grêle, ils ont réussi à filer. Nous n'aurions pas dû nous abriter. Comment pouvions-nous penser qu'ils résisteraient à une telle avalanche de grêlons? Oh, quelle malchance! Ne désespérez pas, Pradier. Nous reprendrons la chasse et avec de plus grands moyens. Pour l'instant, il n'y a plus qu'à rentrer. Hélas! Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor. Avec Maurice Ténac, Blake, Maurice Nasil, Ulrich, Henri Poirier, Vidal, Robert Chandeau, Pradier, Fernand Rosena, Charquet, Serge Sauvion, Freddy. Bruitage et imitation, Joël Noël, chef opérateur du son, Jean Jusforgue, collaboration technique, Bernard Galli, assistant, Jean-Claude Létard, musique originale, André Pop, réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, 19e épisode. Les dangereux individus commandés par Ulrich et que poursuivaient Blake, Pradier et ses hommes ont réussi à s'enfuir grâce à une tempête de grêle d'une exceptionnelle violence, tempête au cours de laquelle on a vu tomber des grêlons de la grosseur d'un œuf de poule. Mais faisons le point rapidement. Premièrement, Mortimer a disparu ainsi qu'Ernest, le chauffeur de taxi qui amenait notre ami vers le domicile du professeur Labrousse, directeur de la météo nationale. Deuxièmement, Blake et Labrousse ont alerté le commissaire Pradier de la DST car il s'agirait, et les indices deviennent de plus en plus sérieux, d'une affaire menaçant l'existence même de plusieurs pays. Après une chasse à l'homme sur les toits de Paris, nos amis battent en retraite et Pradier reçoit dans son bureau au siège de la DST le professeur Labrousse et le capitaine Blake qui participaient aux opérations. Mon cher Labrousse, j'espère que vous m'excuserez de vous bousculer après les heures mouvementées que nous venons de vivre, mais l'affaire qui nous occupe ne souffre aucun délai. Mais je vous en prie, commissaire. Voyons, de quoi s'agit-il? Si je vous ai prié de passer d'urgence à mon bureau, c'est pour vous soumettre un document du genre de celui que Blake a découvert sur l'enveloppe de la Scandinavia. Un message météorologique? Je crois, oui. Il s'agit d'un papier à demi-consumé et que nous avons découvert dans la cheminée de votre ex-voisin de la rue de Vaugirard, le soi-disant Monsieur Henri. Ah. Nos services ont réussi à reconstituer le texte, mais voyez vous-même. Et voilà l'original et la copie, établie par Durand. Merci. Alors, qu'en pensez-vous? Fichtre. Voilà qui n'est pas rassurant. Pourquoi ça? Eh bien, comme vous le supposiez, il s'agit de prévisions météo pour le 26. Et si j'interprète correctement le code, Ce jour-là, un brouillard d'une opacité exceptionnelle devrait couvrir tout le pays et même s'étendre sur des pays voisins. Tiens, tiens. Voilà qui est bizarre. Qu'y a-t-il de vraiment inquiétant là-dedans, Blake? Expliquez-vous si vous avez une idée. Avez-vous songé, Pradier, qu'un tel brouillard paralyserait totalement les communications intérieures, en isolant pratiquement chaque région, chaque ville, chaque village? En somme, des conditions idéales. Oui, je vois. Une attaque brusquée de réseaux subversifs, décidés, par exemple, à prendre le pouvoir par tous les moyens. Bon sang! Mais il faut donner l'alerte immédiatement. Mais c'est terrible, mes amis. Et mes craintes sont d'autant plus grandes que la théorie de notre pauvre Mortimer s'étaye chaque jour plus solidement. L'homme détraquant à volonté les saisons, l'homme devenu maître de la nature. Non, quand j'y pense... Tout n'est pas joué. 10 sur 26, il ne nous reste que 48 heures. C'est peu, évidemment, surtout quand on songe que nous ignorons encore d'où partira l'attaque. Oui, et nous avons perdu la trace d'Ulric. Il nous reste une chance, Pradier. Dites. Mortimer. Mortimer? Mais il a disparu, on ne sait où. C'est à voir. Que voulez-vous dire, Blake? Rappelez-vous l'insistance qu'Ulric a mise à nous détourner à tout prix du Drew Salley. J'en conclus que Mortimer doit se trouver quelque part dans ce coin-là. Bien raisonné. Allons-y. Et moi, que vais-je faire pendant ce temps-là? Vous, professeur, regagnez la météo nationale et mettez vos services en état d'alerte. Entendu, commissaire. Et maintenant, messieurs, au travail. Une rude tâche nous attend. Cependant, à 18 km de là, à vol d'oiseau, dans un château près d'une manufacture abandonnée, de curieux personnages jouent aux cartes en écoutant un transistor. On n'avait jamais vu ça dans nos régions. Et cet ouragan prend les proportions d'un désastre national. En dernière minute, la préfecture de police nous prie de diffuser le signalement des trois bandits qui ont participé à la fusillade de la rue de Vaugirard. Ça c'est pour nous, Freddy. Le chef de ce petit commando se nomme Ulric, dit le colonel. Taille 1m80, cheveux noirs, nez aquilin. Petite moustache noire. Signe particulier, néant. C'est un homme particulièrement dangereux. Le deuxième homme du trio est d'origine américaine. Ah, tiens, c'est lui. Il a d'ailleurs un accent assez prononcé. Ah, voilà mon portrait. Bandit très dangereux, il se nomme Sharkey, dit le gorille. C'est une énorme brute. What? Ah, une faciès bestiale. Moi, une énorme brute, moi? Shut up, vous autres! Shut up, j'ai dit! Le premier qui rigole encore, je le retourne comme une peau de lapin. Compris, Todd? Sharkey, tu es là? Oui, chef, chef. Amène-moi le professeur, tout de suite. Bien, ok, chef. Faciès bestial, le front bas. Si jamais je tombe sur ce speaker un jour, je le passe à la moulinette. Ah, ils ont osé rigoler. Eh bien, ils me paieront ça, ces gangsters à la mie de pain. Faut être choqué. Qui va là? Te fatigue pas, petite tête, c'est moi, choqué. Planque ta sulfateuse. Sharkey s'avance dans la cour inondée par la lumière froide de la lune. L'air frais calme un peu le gorille et remet ses rares idées en place. Salut, Max. Salut. Je viens chercher le barbu. Et par ici, mon prince. La marchandise est au frais. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que t'as à l'œil? Ah, dis, Max, tu m'éblouis avec ta lampe. Éclaire plutôt le chemin. Et dingue, gorille. Mais qui c'est qui t'a cocardé? Un flic qui m'a balancé un flingue par surprise. Mais si je le repense... Oh, ça, je te fais confiance, bulldozer. Eh, dis donc, Max, le prisonnier, comment il se conduit? Oh, c'est un autre tout ce qu'il y a de plus tranquille. Correct? Ouais, bien élevé, mais pas causant. Un vrai anglish, quoi. Eh, tiens, on arrive. On l'a mis dans une ancienne écurie. Oh, je me disais aussi... Ah ben, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de chevaux, hein. Mais on peut pas dire que ça sent bon. Ouais, ça, une véritable planteur, oui. Eh bien, tu vois, Sharkey, personne ne se plaint. Pourtant, le professeur, il est aux premières loges. Eh oui, mais il respecte les lois de l'hospitalité. Je te l'ai dit, c'est un homme bien élevé. Ou alors, il a le rhume de cerveau. Oh, ma parole, mais c'est un vrai trésor, cet homme-là. Eh oui, oui. J'ai des instructions. Une visite pour vous, monsieur le professeur. Comme voulez-vous, je n'ai rien à vous dire. Eh bien, on ne reconnaît plus ses petits copains maintenant. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir qui vous êtes. Je vous prie de me laisser en paix. Ah, Max, ce que j'ai toujours reproché aux Anglais, moi, c'est leur froideur. Voyons, professeur Mortimer, rappelez-vous, la chambre de Russe, la grande pyramide. Enfin, Max, éclaire mon visage. Là, tu vois, professeur, c'est encore moi, choqué, toujours solide au poste. Mais tu ne me reconnais pas? Oh, tu me fais de la peine, Philippe. Votre ironie est aussi pesante que vous, Jacques. Vous n'avez pas fait de progrès. Sans doute parce que vous avez toujours les mêmes fréquentations. Non, Mortimer, la ferme, hein? Ah, voilà, je vous aime mieux comme ça. Vous vous ressemblez vraiment. Bah, ça suffit! Si tu continues, je... Oh, Charquet, du calme. J'ai horreur de la violence. T'es venu chercher monsieur, bon. Alors tu te calmes et tu l'emmènes gentiment. D'accord, Max. L'honorable professeur Mortimer veut-il avoir l'extrême bonté de me suivre? Un de ses plus chers amis le réclame. Je suis prêt. Pas ici. Attention à la marche, là. Doucement. Encore un escalier. Dis donc, Charvet. Ne me l'égare pas, hein? Bah, t'en fais pas, fiston. Je veille sur lui. Et puis avec ses menottes. Et Charquet retraverse la cour de la manufacture avec Mortimer cette fois. Voilà! C'est ici que notre ami a installé son bureau. Ouais! C'est moi, Charquet! Avec le professeur! Entre! Si monsieur le professeur veut bien se donner la peine. Oh! Ulrich! Lui-même, Mortimer! Et qui vous souhaite la bienvenue. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météore, avec Robert Chandot, Pradier, Jean Eusen Labrousse, Maurice Ténac Blake, Fernand Rosena Charquet, Serge Sauvion Freddy, Michel Puterflam Max, Jacques Morel Mortimer, Maurice Nazil Ulrich. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean Jusforgue. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité. Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météore, 20e épisode. Alors que le commissaire Pradier de la DST, Blake de l'Intelligence Service et le professeur Labrousse de la Météo Nationale tentent de situer le quartier général d'un réseau subversif, Mortimer, prisonnier à une quinzaine de kilomètres de Paris, comparaît devant son vieil ennemi Ulrich, l'un des chefs de la mafia internationale qui veut mettre sous le joug plusieurs pays d'Europe. Eh oui, cher professeur, c'est bien moi. Et comme vous pouvez le constater, sorti frais comme l'œil de toutes mes aventures malgré vos efforts acharnés. La partie n'est pas terminée, Ulrich. Toujours le panache. Vous m'amusez, Mortimer. Mais contrairement à ce que vous semblez croire, la partie est jouée. Vraiment? Oui, et grâce à vous. Il ne fallait pas vous mêler de cette histoire. C'est vous qui êtes venu nous chercher, vous, qui mettez toujours votre nez où il ne faut pas. Vous êtes un incorrigible curieux, Mortimer. Or, moi, je fréquente des gens qui détestent les curieux, car leur activité doit rester secrète. À chacun sa spécialité. Vos connaissances, j'étais d'ailleurs certain de vous rencontrer en travers de ma route, avec votre inévitable copain, le super flic, Francis Bleck. Eh, quel dommage que nous ne soyons pas dans le même camp, professeur. Car vous avez de grandes qualités. Oui, mais trêve de compliments. Qu'est-ce qui vous a de nouveau mis sur ma route? Hein? C'est notre offensive météore qui vous gêne. Ces averses que vous fabriquez péniblement et que vous seriez d'ailleurs bien en peine d'arrêter. Ce serait pour de petites journées plus ou moins capricieuses, pour quelques coups de vent locaux, quelques giboulées plus ou moins réussies que ce bon Labrousse vous aurait appelé d'urgence, hein? Que la DST, l'intelligence service, aurait mobilisé leurs forces. Ah, je vous en prie, Mortimer, ne me prenez pas pour un imbécile, hein? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais voyons, mon cher ami, vous connaissez le proverbe. Aux grands mots, les grands remèdes. Or, il se trouve que le déploiement des forces dont je viens de parler se justifie assez bien devant l'ampleur des dégâts que provoquent nos, perturbations atmosphériques. Voilà, on du bluff, tout ça, Ulrich. Il n'y a là que pure coïncidence. En fait, ces phénomènes sont naturels. Voyez-vous ça? Moi, je dirais plutôt qu'ils sont artificiellement naturels. Du bluff. Non. Ce qui nous intéresse ne sont pas vos tours de charlatan, Ulrich, mais votre activité de hors-la-loi. Vous êtes très habile, professeur. Hein? Ouais. Mais on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Oh, quand vous parlerez plus clairement... Vous essayez de m'agresser pour me faire parler, eh bien, ne vous fatiguez pas, mon cher. Je vais vous mettre au courant de toute l'affaire, de A à Z. Comment, vous voulez dire... Exactement. Vous allez pénétrer le secret des dieux, car, mon cher, sachez-le, nous sommes de nouveau Prométhée. Oh, rien que ça. Oui, et je le prouve. Allô, CD. Et ne me remerciez pas surtout, on n'a rien à refuser à un homme... qui n'a plus que peu de temps à vivre. Allô, chef? Sonny, écoute. Nous allons faire visiter nos installations à notre ami Mortimer. Nous arrivons tout de suite. Reviens, Milok. Tout de suite, patron. Voilà. Si vous voulez me suivre, Mortimer. Sharkey, tu fermes la marche, hein, et ouvre l'œil. Soyez tranquille, boss. Nos trois hommes quittent le château, traversent la cour, puis pénètrent dans un vieux bâtiment de la manufacture. Nous allons descendre maintenant. Par ici. Toutes nos installations sont souterraines. Comme vous avez d'ailleurs pu vous en rendre compte l'autre soir en déclenchant nos radars dans le parc. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Voyez, ce bric-à-brac, ces fûts vides. Maintenant, j'appuie sur ce clou. Et une énorme dalle se soulève avec les fûts, les caisses qui y sont fixées et qui servent à la camoufler. Oui, mais vous savez, le Moyen-Âge usait déjà copieusement des issues secrètes et des pans de murs basculants. Vous n'avez rien inventé. Erreur, Mortimer, erreur, vous n'avez encore rien vu. Un autre escalier. Je vous en prie. Mais... Non, ne craignez rien pour l'instant, vous n'êtes qu'un visiteur. Donnez-vous la peine de descendre. Nous entrons dans le domaine du professeur Milok. Oui, pour l'instant, on dirait un bunker. C'est en effet une sorte de bunker. Partout du béton, de l'acier, des portes blindées... Sharkey, hein? Referme la dalle. Ok. Bonsoir, messieurs. On m'a annoncé votre visite. Professeur Milok, je vous présente un visiteur de marque, le professeur Mortimer de Londres, en résidence au château. Pour très peu de temps, hélas. Très honoré, cher confrère. Je connais vos travaux. Ah, vraiment? Naturellement. Cependant, je crois devoir vous dire que le professeur Mortimer nourrit des doutes offensants à l'endroit de notre puissance scientifique. Rien de plus facile que de les dissiper. Oh, c'est à voir. Mais c'est tout vu, professeur. Venez. Oh, cette odeur! De l'ozone, cher professeur. De l'ozone. Mais entrez, je vous prie. Oh, par exemple! Oui, il y a de quoi être surpris, n'est-ce pas? Une salle immense s'offre aux yeux étonnés de Mortimer. Sur toute la hauteur de trois des quatre murs s'allument et s'éteignent des milliers de voyants multicolores. Sur le quatrième panneau, un planisphère géant au-dessus d'un pupitre de commande surélevé, sur lequel on distingue des boutons, des manomètres, des cadrans, des micros. Mon cher confrère, vous avez devant vous le poste de commande d'une des nombreuses stations météorologiques du réseau Cirrus. Le réseau Cirrus? Oui, c'est une chaîne de stations relais qui fabrique à volonté, la nôtre bien entendu, qui fabrique à volonté, dis-je, le temps que nous désirons sur d'immenses régions. C'est incroyable! Mais vrai, cher professeur. Et la station où vous êtes en ce moment et que j'ai l'honneur de diriger est la plus importante de toutes à cause de son emplacement stratégique particulier. Mais voyons, professeur Milok, vous n'allez pas me dire que vous êtes capable de modifier le temps à votre guise, alors qu'à notre époque, dans l'état actuel de la science, on ne sait même pas pourquoi il pleut. Bien qu'on ait émis à ce sujet 100 théories différentes et toutes plus astucieuses les unes que les autres. Mon cher confrère, permettez, parler de votre science météorologique, de la science en général, pas de la nôtre. Non, ça, je ne peux pas croire qu'une telle avance ait pu être prise, et par qui que ce soit. Notre ami professeur Milok est un rationaliste. Mais je crois que nous avons de quoi le convaincre. Oui, pour cela, il suffira de poursuivre notre visite. Vous n'aurez qu'à regarder, cher confrère, à regarder et à me demander l'explication de ce que, dans l'état actuel de vos connaissances, vous ne pouvez encore envisager. Alors, Mortimer, intéressé? Intéressé? Oui, enfin, très surpris. Alors, ne vous gênez pas, regardez bien tout. Faites-vous expliquer et comprenez vite, car il est plus tard que vous ne croyez. Je vous suis, professeur Milok. Avant de passer dans l'autre salle, permettez-moi de vous conduire dans mon bureau. Mais c'est à côté. Juste quelques préliminaires, mais qui me paraissent indispensables. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météore, avec Maurice Nasil, Ulrich, Jacques Morel, Mortimer, Henri Janik, Sadi, Roger Carrel, professeur Milok, Fernand Rosena, Charquet. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Ces épisodes, les 17e, 18e, 19e et 20e, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 les 19, 21, 24 et 26 avril 1962. À suivre.